temps de choisir ton camp. Sache que dans la vie tout dépend de ta nature sans faire semblant. Mais j'ai choisi la vie à la mort. J'ai choisi l'oubli au remords. Peut-être bien que j'ai eu tort, que rien ici ne vaut de l'or. Mais j'ai choisi l'oubli au remords. Et j'ai choisi la vie à la mort. Pour toi, il est temps d'oublier le passé, d'avancer sans te retourner, d'accepter qui tu es. Mais j'ai choisi la vie à la mort. J'ai choisi l'oubli au remords. Peut-être bien que j'ai eu tort, que rien ici ne vaut de l'or. Mais j'ai choisi l'oubli au remords. Et j'ai choisi la vie à la mort. J'ai choisi l'amour à la haine. J'ai choisi la joie à la peine. Et la lumière au croque-mitaine, la foi en mon cœur de porcelaine. Oui, j'ai choisi l'amour à la haine. Oui, j'ai choisi la vie à la mort. Oui, j'ai choisi l'oubli au remords. Peut-être bien que j'ai eu tort, que rien ici ne vaut de l'or. Mais j'ai choisi l'oubli au remords. Et j'ai choisi la vie à la mort. Et j'ai choisi la vie à la mort. Et j'ai choisi la vie à la mort.